10-34, observation, adjectif démonstratif. Oh, qu'il est agaçant, ce gamin! Ce pauvre oncle Victor! Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Qu'est-ce qu'on joue au ciné-club, ce soir? Un gamin. Le gamin. Ce gamin. Un jeu. Le jeu. Ce jeu. Un soir. Le soir. Ce soir. Notez que « ce » occupe la même place que les articles « un » et « le » devant le nom. Observez. Qu'il est agaçant, ce gamin! Qu'il est agaçant, ce gamin-là! Qu'il est agaçant, cet enfant! Qu'il est agaçant, cet enfant-là! Quelle est agaçante, cette gamine! Quelle est agaçante, cette gamine-là! Qu'ils sont agaçants, ces gamins! Qu'ils sont agaçants, ces gamins-là! Qu'elles sont agaçantes, ces gamines! Qu'elles sont agaçantes, ces gamines-là! Notez dans deux l'emploi de « là » après le nom pour marquer l'insistance. Notez que la forme du masculin singulier est « ce » devant une consonne et « cet » C-E-T, devant une voyelle. « Cet » se prononce exactement comme la forme du féminin « cet ». Notez que nous avons une même forme « c » pour le masculin et le féminin pluriel. Naturellement, « c » se prononce « ses » devant une voyelle, « ses enfants ». Tableau récapitulatif. Masculin singulier devant consonne. Ce. Féminin singulier. Cet. Masculin singulier devant voyelle. Cet. Masculin et féminin pluriel. C'est.